Prochaines informations à 18h. En attendant, de l'info aussi, mais d'une autre manière. Écoutez. Salut, salut Charline. Oh, t'as l'air contente. Ah bah, on a un super invité. Ah génial, c'est qui? Un grand écrivain. On reçoit Clara Dupont-Mono. Non, c'est un homme. Ah, c'est pas Clara là. Ah, non, oui. Et il est de gauche. Ah, c'est sûr, c'est pas Clara, ouais, c'est qui? Bon, il se définit comme un communiste libertaire. Ouais, ouais, ouais, heureusement que Guillaume est pas là parce que ça aurait été la fête de l'humain. Guillaume, il est là, figure-toi. Non. Ah bah si, il sera en direct de Nantes. Ah mais ça c'est pas grave. Ah bon? Parce que les gens de gauche, quand ils sont séparés par la distance, ça va. Mais pourquoi tu dis ça? Je dis ça pour ma chemise. Mais ça va, mais t'es pas de droite. Non, mais t'es vite plus à droite que quoi. Ah non. Bon alors c'est qui? C'est un écrivain impliqué communiste. On reçoit Jean-Paul Sartre. Mais non, il est mort. Oui, je sais, on reçoit Aragon. Mais il est mort aussi. Non, aussi. Dis donc, il fait pas bon être écrivain communiste en France. Autre indice, il déteste les négationnistes. Ah, la grosse prise de position, bon, tiens. C'est Didier Deninck. Ouais. Comment? Didier Deninck. Je connais pas. Tu rigoles? Non, je le connais pas. Non, mais tu mens. Non, non, mais j'avoue. Non, pas il ment. Non, je le connais pas. Non, mais toi, t'es un négationniste littéraire. Ah ouais. Je vous jure, si je le connaissais, je vous le dirais, je ne le connais pas. C'est ça. C'est quoi? Alors ça, c'est l'argument typique des négationnistes. Vous savez quoi? Vous m'énervez. Je vais me documenter. Je vais travailler sur lui. Je reviens. Je connaîtrai tout de ce type. Le traité de négationniste, quand même. Ah bah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour qu'il bosse sur l'invité, surtout. Petit coup de gégène et hop, il y est. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui maquille les comptes de l'actualité. Et voici les trois informations qu'on va surfacturer jusqu'à 18h. Qui sera le candidat des grands patrons en 2017? Ça se jouera entre Juppé et Fillon parce que le CAC 40 semble tourner le dos à Nicolas Sarkozy. Oh, vous n'avez pas confiance en moi? Non, bah ça vous êtes fous. Étudier Voltaire, assis par terre, à qui la faute? À la surpopulation dans les facs. Les étudiants manifesteront vendredi pour alerter sur cette situation. Partout 500, mes parents pour renfort. Nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Les agents des acteurs sont les vedettes de 10%, la nouvelle série de France 2. Mais dans le milieu littéraire, les agents d'auteurs sont marginaux, en tout cas en France. Beaucoup plus courants dans les pays anglo-saxons. Arlette Azemar, la plus vieille agent de Paris. D'ailleurs, elle dit pas agent, elle dit impresario. Ah. Tu vois les dinosaures de Jurassic Park? Bah, c'est elle qui les représentait. Et moi, je suis accompagnée de celui qui a pour seul agent un bidon de monsieur propre, un agent d'entretien. C'est Alex Vizorek. Bonjour, Charline Manonacker. J'aimerais bien. Alors, autour de la table, une belle équipe. Une belle équipe pour notre invité que j'ai découvert cet après-midi. Franchement, vous êtes un type bien. Si vous ne savez pas, je vous le dis. À 17h20, ces chroniques sont pour moi comme un Rubik's Cube. Je vois très bien ce que ça pourrait donner, mais je n'y arrive pas moi-même. C'est André Manoukian. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, Alex. Persévérer. Vous arriverez un jour. Bonjour Charline. Aujourd'hui, vamos hablar de un percussionniste argentino, Minino Garay. Voilà, si vous les faites en espagnol, ça va pas m'aider non plus. À 17h20, il est à Nantes en ce moment et je crois qu'il nous entend. Car il joue à la compagnie Café Théâtre dans la salle Kev Adams. Bonjour, tout à fait. Guillaume c'est une sorte de bizutage. Les gens ne m'aiment pas beaucoup ici, sachez-le. Ça va bien parler. Oui. Oui, bah, je vous vois, je vous regarde en vidéo sur franceinter.fr. Vous êtes beau. Coucou, vous êtes tout en mitouflé, sauf Manoukian qui est à poil. C'est comme d'habitude. Vous nous donneriez pas pour alors le moi, je suis allé. Oui, je suis allé ce matin sur la fameuse ZAD du site de Notre-Dame-des-Landes où j'ai rencontré de dangereux extrémistes aux activités qui font froid dans le dos. Je suis allé ramasser des champignons, sortir des détritus de la forêt. Voilà, certainement c'est codé, hein, donc restez avec nous, voyons de l'action. Et à 17h40, c'est une heure parfaite pour elle puisque c'est pile une heure après son réveil et une heure avant le début de l'apéro. Bonjour Juliette Arnaud. Et bonjour. Comment allez-vous, de quoi vous nous parlez? Eh bien, du livre de Didier Daninck, L'école des colonies. Je vais vous expliquer pourquoi ça fera un meilleur cadeau de Noël que n'importe quelle boîte de Playmobil. Allez, aujourd'hui, oui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous Vincent Auriol. C'est vous dire s'il a connu les colonies. Ah oui. Après avoir été ouvrier imprimeur, vous publiez votre premier roman, Mort au premier tour, en 82. C'est l'année de création de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Vous écrivez la série télé Novacek pour France 2 en 94, quand éclate la polémique sur les relations entre Mitterrand et Vichy. Vous publiez Retour à Béziers en 2014, quand Arnaud Montebourg, tel Cincinnatus, retourne à ses champs et à ses charrues. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire. Didier Daninck. Oui. Bienvenue Didier Daninck. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. pour tous les Français qui nous écoutent, c'est aussi Didier Deninx. Nous, on dit Deninx parce qu'on est belges. Et c'est vrai que linguistiquement, ce serait bon, Deninx. J'ai jamais su comment ça se prononçait, donc j'accepte. Ça, c'est embêtant d'avoir un nom dont on ne connaît pas trop la prononciation. Mais ou alors ça laisse des champs. Il y a énormément de lettres en trop. Comme ça. Vous avez deux noms, hein, c'est comme Jorge Semprún. Ici, c'est Georges Semprún. C'est ça. Et moi, quand j'ai demandé Jorge Semprún la première fois à la FNAC, on m'a dit que comment je ne vous le connaissais pas. Voilà. Bon, tout ça pour présenter Didier Deninx. Cet ouvrage, L'école des colonies aux éditions. Oh, alors, comment est-ce qu'on prononce Édition Brochet, directement. Taisez-vous, Meurice. Édition Aubec. Aubec. On peut dire ça comme ça. Voilà. Alors, c'est un ouvrage, c'est le récit, c'est un journal de bord d'un enseignant qui s'installe en Kabylie et qui va instruire les petits indigènes grâce à la générosité et au génie de la République, bien sûr. Oui, c'est tout un travail que j'ai fait à partir d'une centaine au minimum de photos, de dessins qui sont sur les manuels scolaires de la colonisation. Oui, de gravures, voilà. De cartes géographiques. Et j'ai mis en scène tous ces documents par le dialogue par lettres et cartes postales de 5 enseignants, dont un qui est principal, qui mène un petit peu le jeu. Et ça fait ressortir un petit peu les enseignants dans les années 40, 50, qui allaient un petit peu la fleur au fusil, qui allaient dispenser la parole civilisatrice de la France et qui tombait d'un seul coup frontalement en accident avec la réalité de ce qu'étaient les colonies. Et donc c'est la désillusion un petit peu, le texte montre cette désillusion et la manière dont ces enseignants prennent cette réalité humaine sociale dans la figure et comment ça correspond pas du tout à ce qu'ils sont, à ce qu'ils doivent professer, c'est-à-dire les valeurs de l'égalité, de la liberté. C'est vrai. Au début, ces enseignants sont chauds et puis ils sont calmés. S'ils sont calmés, ça s'effiloche. Par exemple, j'ouvre une page au hasard. Les Noirs attendent de la fermeté chez leur formateur. Ils se savent faibles et souhaitent être aidés. Voilà un extrait de Questions scolaires aux missions, 1954. Oui, effacé par Nadine Morano, faut le préciser. On a aussi Si les Kabyles et les Arabes écoutent les Français, ils seront heureux, ils seront meilleurs, ils seront regardés comme les enfants de la grande nation française. Extrait de Leçons d'histoire et de la civilisation à l'usage des écoles indigènes et françaises, 1893. Oui, moi j'ai été extrêmement surpris comme ça de cette violence. À ce moment-là, quand c'est publié, c'est une espèce de bonne conscience comme ça. Mais quand on le voit à distance, par exemple, il y a une sorte de bande dessinée pour apprendre à lire, et il y a René mange ton bonbon et Ali mange ton bonbon, et on voit René qui mange le bonbon et Ali qui va manger son crayon, qui va après manger le livre, qui va manger le tableau, et ainsi de suite. Et à la fin, il y a Ali n'est pas très fort. Et juste à la fin, la conclusion du livre pour apprendre à parler le français, c'est Ali est un âne. Et c'est d'une violence absolument incroyable. Ça date de quand exactement? Ça, c'est les années 30. Les années 30. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de commentaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien le lire au premier degré. C'est-à-dire que si vous l'offrez à Robert Ménard, il va kiffer sa race. Oui, surtout que ça parle beaucoup de l'Algérie, puisque le personnage principal Les nostalgiques de l'Algérie française. Est en Algérie. Ouais. Et ce discours-là, on n'a pas voulu justement le souligner comme ça, pour que ce premier degré apparaisse véritablement. Il est brut, réaliste, crûment réaliste. Et c'est le texte de fiction qui permettent de donner des éléments de réalité d'une manière paradoxale pour décrypter les textes de l'époque. Et je signale que c'est un très très bel ouvrage parce qu'il y a énormément d'illustrations, de photos, de gravures, de documents d'époque ou de scans même des couvertures des cahiers tout simplement de cette époque. Ça s'appelle L'école des colonies, édition Aubec, Didier Deninx, et on va en parler tout à l'heure avec Juliette Arnaud qui s'est plongée corps et âme dans cet ouvrage. Surtout corps. Et qui va vous le recommander pour Noël déjà. Sous le sapin, les colonies. Oh, ça sera du plus grand chic. Allez, on est ensemble sur France Inter jusqu'à 18h. Sing it, babe. Sing it, babe. Sing it, babe. For me. For me. Come on, yeah. Sing it right now. Ah, yeah. Sing it, baby. Sing it, baby. Sing that thing. Me and you. Me and you. Nobody but you. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. One time. One time. For me. Now rock. Shake that thing, baby. One time for your daddy. I love it. You're cooking with gas. Honey, you're working. You got the pots on and the gas up high. Baby, shake it, baby, shake that thing, shake that thing, shake that thing, shake that thing, one time, baby, one time, one time, one time, one time, one more time. One more time. One more time. One more time. One more time. One more time. One more time. Just one more time. And just one more time. Once again. One time. And one more time. One more time, and one more time, one more time, shake it, baby. Shake It Baby, c'est John Lee Hooker sur France Inter, la programmation musicale très classe de Djoubaka. Et autour de la table, par ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice en direct de Nantes, il est toujours là ? Oui, cognac j'ai. Juliette Arnaud tout à l'heure et notre invité qui publie Tintin au Congo, c'est Didier Lenin. C'est l'école des colonies, édition B. Alors Didier Daninx, ou Deninx hein, pour les Français puristes du français tronqué par le Belge, hein, par la Meuse, c'est à cette heure-ci sur France Inter, c'est le moment des actualités radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Europe Écologie, les Verts se divisent à l'Assemblée. Mais Alex, oui, c'est pas une information ça, Europe Écologie, les Verts se divisent. Pardon. Bon. Les soupçons de corruption. Non mais Alex, c'est pas une information non plus, la corruption à la FIFA. Pardon. Et quelques brefs pour terminer, même si vous n'aimez pas ça, Charles. Oui, bon, ça c'est une info parce que j'aime pas les brefs. C'est bon. On commence par la droite. Nathalie Kosciusko-Morizet a répondu aux questions des internautes hier dans l'émission Hashtag Direct Politique, dérivée vidéo du journal de... du journal 20 minutes. Exactement, 20 minutes, c'est la meilleure solution pour elle pour toucher ses amis SDF quand elle n'a pas le temps d'aller fumer une petite clope avec eux. Passons à cette information du Canard Enchaîné. Oui, le journal revient aujourd'hui sur les ventes du livre de François Fillon. Prenez des notes parce que vous en vendrez peut-être pas autant, hein, parce que... Bon, alors il avait annoncé 50 000 exemplaires vendus, mais en fait, il s'agissait des chiffres du tirage. Et ce matin, nous avons les chiffres au grattage. 27 000 et le numéro complémentaire, c'est le chiffre donné par l'éditeur. 39 000 exemplaires. Excusez-moi, mais rappelez-moi, c'est qui l'éditeur? La Française des Jeux. Voilà. Passons aux Verts. Oui, les Verts étant divisés en deux courants, hein, leur groupe à l'Assemblée nationale est désormais dirigé par deux députés en alternance tous les six mois. Oh, il s'agit de Cécile Duflot et de Barbara Pompili. Alors, rappelez-moi, elle est députée de quelle circonscription, Barbara Pompili ? Elle est députée de la Somme. Ok, et Cécile Duflot ? Elle est députée de la Division. Bien joué, Somme Division. C'est drôle, bon, c'est, drôle. C'est très drôle. Vous félicite d'avoir compris. Elle est très bonne. J'ai laissé le temps aux gens. Elle vient d'arriver chez Juliette Armanet, c'est bon. Donc elle est chez tout le monde, c'est bon. Allez-y. Voilà, billet de train gratuit pour les migrants. La SNCF s'explique, la société explique pourquoi elle a autorisé ses contrôleurs à ne pas vérifier les billets de transport des migrants. Marion Maréchal Le Pen et Robert Ménard, le maire de Béziers, ont tweeté leur indignation. Oui, et je trouve qu'ils ont la mémoire courte à l'extrême droite. Fut un temps où les voyages gratuits en train, ça les réjouissait un petit peu. Oui, je vous dirais, s'il s'agissait de les renvoyer chez eux, ils leur offriraient même l'avion. C'est pas faux. International, un homme s'octroie une grâce en l'absence du président et c'est pas n'importe qui. Le chef du Parlement de Vanuatu était condamné pour corruption, mais il a profité d'un voyage d'affaires du président et donc du fait d'avoir ses prérogatives pour se gracier lui-même. Voilà, et en France, c'est le contraire. Chirac lui voulait rester président, justement, pour ne pas être condamné. Une page société. Société, les amphithéâtres des universités sont bondés, les étudiants se plaignent des conditions dans lesquelles les cours se déroulent. Ils descendront vendredi dans la rue pour manifester. Donc vendredi, les amphis pourront accueillir les étudiants de façon optimale, profitez-en. Sport. L'équipe nationale belge de football est depuis hier soir la meilleure équipe du monde d'après le classement FIFA. Voilà, vous dire si tout n'est pas encore réglé à la FIFA. Pourtant, après la suspension de Blatter et Platini, c'est un Camerounais qui dirige temporairement la FIFA. Et ça, c'est toujours une bonne idée quand on a un problème de corruption, de faire confiance à un dirigeant africain. Ouais, mais attendez, là, mais c'est raciste ce que vous dites. Oui, enfin, c'est pas pour lui, parce que la première affaire d'Issa Ayatou, le Camerounais en question, date des années 90, pot de vin avec une société de marketing et dernièrement, The Sunday Times l'accuse d'avoir touché 1,5 million de dollars pour voter en faveur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Waouh, et c'est lui qui remplace Blatter et Platini. Voilà, c'est dire si c'est lui le moins corrompu de l'équipe. Sport toujours, Zlatan Ibrahimovic, l'avant-centre suédois, vient d'être du PSG, d'être sacré. Ça n'empêche pas les Suédois. Ou qu'on ne sait pas. Vient d'être sacré disque d'or dans son pays. Oui, exactement. Il a sorti un disque et les disques d'or, le couple Lizarazu-Kame l'aurait mauvaise, puisque non seulement Zlatan marque plus de buts que Vicente... De quoi? De buts. J'ai dit quoi? Non. Si. Je l'ai dit. Même à Nantes, on l'a entendu. C'était léger. J'ai envie de dire, c'est sur la ligne. Mais voilà, vous m'avez niqué ma vanne en même temps. Vous l'avez niqué tout seul. Voilà, oui, c'est pas faux. Il marque donc plus de buts que Vicente, et maintenant il vend plus de disques que Claire Kame. Casser le rythme. Et de bref, détenu multirécidiviste de la maison d'arrêt de Moulins-Isère s'est évadé lors de sa permission de sortie pour aller à Pôle emploi. Exactement, il était autorisé à aller à Pôle emploi. Pôle emploi qui doit servir à préparer la réinsertion des détenus dans la société. Manifestement, ça marche plutôt bien. Et West France a interviewé Monique Guetta, la maman de David Guetta. Très très belle interview. Et elle déclare, Monique, au début, j'avais du mal à écouter la musique électronique de mon fils. Et qu'elle se rassure, nous aussi. Vous êtes bien dans Si tu écoutes, j'annule tout jusqu'à 18h et celui qui a tout annulé pour être avec nous, c'est Didier Denynx. On va aborder le premier sujet d'actualité avec vous. Le CAC 40 cherche encore son candidat pour 2017 et celui qui fait rêver les patrons, c'est François Fillon. Ça en dit long sur leur santé psychique. Nous sommes pourtant de la même famille. Nous ne donnons pas le même sens à ce mot. Ah, voilà. Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi, le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Un extrait des Grandes Familles, Denis de la Patelière. C'est un article dans Libération ce matin. Apparemment, le Fouquet s'est devenu trop grand pour Nicolas Sarkozy. Le CAC 40 lui tourne le dos et lui préfère François Fillon. Plus libéral que Juppé. En vérité, même les patrons ne croient plus en la politique d'ailleurs et être le candidat des patrons, tiens. Est-ce que c'est un avantage à droite mais un handicap à gauche? J'ai l'impression que non. Comment ils vont finir par choisir Manuel Valls tous là, mais ils savent pas encore où il est exactement. Comme il n'est pas encore sorti. Mais moi j'avais vu surtout plusieurs patrons qui s'étaient déclarés pour l'extrême droite. Becbédé, le patron de Marionneau, des parfums et tout. Donc alors Becbédé a dit que le parti qui reprendrait ses idées. Voilà, il le choisirait. Donc, par un billard. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui partent du bar du Fouquet's pour rejoindre le bar de la Marine peut-être. Il y a un petit peu ça. Et ça, moi, ça m'inquiète un petit peu plus. Oui, parce qu'évidemment, les patrons, c'est un enjeu. Alors, Alain Minc apporte publiquement son soutien à Alain Juppé. Finalement, c'est lui le patron des patrons aussi. C'est pas tout à fait. Il y a Pierre Gattaz, mais aussi Alain Minc qui est. voilà, quand il désigne un candidat, est-ce qu'il peut en partie désigner le candidat de 2017? Il sera son visiteur du soir, probablement. Oui, et puis j'ai l'impression que la manière dont tous ces gens, quand on a ces noms qui sonnent comme ça, on pense tout de suite à la presse, on pense à des réseaux d'influence extrêmement puissants. Et quand on regarde un petit peu l'état de la presse en France et de la manière dont elle est tenue, justement, par les plus grands patrons et les plus grandes entreprises, on a l'impression que là, il y a la force économique et puis il y a la force de persuasion. Par le papier et Internet. Alors, le 13 octobre, Nicolas Sarkozy a rassemblé 70 mécènes, les soutiens qu'on appelle du premier cercle, qui versent de 3 000 à 7 500 euros. 70 mécènes, mais en 2007, ils étaient 550. Ça commence à sentir un peu le roussillon. Il y a de la perdition, là. Il y a de la perdition. Et donc, il y a une limite, ils ne peuvent pas mettre plus. Ah non, pas plus que 7 500, à part Liliane Bettencourt. C'est autre chose. Et autre information, donc Bernard Arnault a rencontré Juppé en tête-à-tête. Mais là, c'est l'adultère, qu'est-ce qui se passe, Bernard Arnault? On pensait qu'il avait racheté Le Parisien aujourd'hui en France pour faire la campagne de Sarko, mais s'il rencontre Juppé en tête-à-tête, qu'est-ce qui est... Il doit y avoir des sondages secrets, comme quoi ça part du bateau de Sarkozy. Vous pensez que ça tourne avec le vent, vous? Oui, je pense véritablement, parce que là, mauvais esprit. Il était véritablement c'est parti fini un peu comme une fusée, là. Et puis il est en train de, de perdre toute son énergie, pauvre Sarkozy. On ne peut pas miser sur les deux. Pour plus de sûreté. Pour être disons qu'il va y avoir une primaire à droite, il va falloir choisir. C'est pas comme au Monopoly, on ne peut pas acheter toutes les gares. Très bien, non, je me renseigne. C'est vrai que c'est pourquoi pas. Écoutez, on verra. En tout cas, comme Nicolas Sarkozy tient un petit peu le parti, s'il verrouille les choses ou qu'il truque un petit peu les élections, on ne sait pas. Revenons à quelque chose de plus sain, Didier Deninx. Revenons à du André Manoukian. Ah, là, on est au-dessus de tout ça. Voilà. Argentin, Argentino. Argentino. Alors moi, j'ai fait un conclave avec moi-même. Je me suis réuni et j'ai décidé de soutenir le musicien le plus brillant de cette semaine. Il s'appelle Minino Garay et c'est un formidable percussionniste argentin. Le tango argentin est une affaire sérieuse. Pourtant, au début, c'était une danse de voyous née dans les bas-fonds de Buenos Aires dans les années 30 qui se dansait... Entre hommes. Exactement. Même que les brusques rotations de la tête, les mouvements comme ça à 180 degrés, en fait, c'était pour checker s'il y avait des flics qui rentraient faire des rafles contre les homosexuels. Exactement. Donc, cette danse argentine, urbaine et clandestine... Vous voulez qu'on danse un tango, Charline? Faites votre chronique d'abord. Oui, d'accord. Donc, cette danse va se répandre dans le monde et évidemment, une des capitales européennes qui va l'accueillir à bras ouverts, ça sera Paris, qui, dans l'entre-deux-guerres, était le haut-parleur mondial de toutes les avant-gardes transgressives. Le monde change, qu'est-ce que vous voulez. Donc, c'est la route de Paris que va prendre, naturellement, presque un siècle plus tard, notre brave jeune tambour argentin, Minino Garay. On revient en Argentine. Le tango de clandestin qu'il était au départ est vite passé à l'état d'institution. Un de ses instruments phares, vous le savez, c'est quoi ? Le bandoneon. Oui, Charline, elle suit bien, j'ai l'impression d'être instituée. Dans aujourd'hui, une classe en Afrique en 1940. Je vous suis à fond, je vous suivrai partout. Après, je vous prendrai la fièvre. Jusqu'en Argentine. Très bien, j'y vais pas y arriver. Allez, donc, le bandoneon, il arrive à la fin du 19e, au milieu du 19e, par les immigrants... Argentins. Portugais. Autrichiens. Ah, évidemment, le bandoneon est autrichien. En Argentine, il y a des immigrants qui viennent de toute l'Europe. C'est pour ça que les Argentines sont si jolies. Bref, beaucoup d'Italiens aussi. Beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Allemands à un moment. Exactement. Mais c'est vrai, au nord, ils sont blonds. Ça, voilà. Bon, donc, on revient au bandoneon. Un des plus grands joueurs de bandoneon, comment il s'appelle? Astor Piazzolla. Figurez-vous qu'il était maudit chez lui. Il était tricard. Tous les autres tangueros, tous les autres joueurs de bando, tous les autres musiciens argentins disaient « ça n'est pas un vrai joueur de bandoneon. Parce que c'est une musique contemporaine qui fait, c'est trop compliqué, c'est plus une danse. Il dénature cette affaire. » Lui, pour se venger, il disait « Et vous, vous jouez comme des patates. » Parce qu'il avait une telle technique... Ouais, ça clashait grave. Il avait une telle technique qui s'envolait en dehors de son instrument. C'est son fils qui m'a raconté ça, en me disant que toute sa vie, il a été ostracisé dans son propre pays, alors que c'était une star mondiale. Alors du coup, moi, je fais la conversation avec le fils et je lui dis « Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du tango maintenant, dans les années 90, vous savez ? Il y a des groupes qui le jouaient en électro et tout. » Alors, il s'arrête et il me dit « Qui est-ce qui était l'autre gars ? Tu veux que je te réponde ?» Je dis « Bah ouais, parce qu'on était un petit peu filmé. » Il dit Il me dit, ahora es una mierda. C'est-à-dire, le propre fils de Piazzolla par rapport à. Ouais, donc voilà, le tango, on touche pas. Eh ben. Pourtant, c'est ce que fait Mini Nogara, et c'est pas juste le tango qui touche. La musique, elle est là pour qu'on la bouscule, pour qu'on lui malaxe le potin et qu'on en tire de nouvelles substances. Ne regardez pas comme ça quand vous dites ça. Une musique, comme une langue, elle devient morte quand elle ne reçoit plus d'apport nouveau. Le tango a besoin qu'on le bouge pour qu'il ne soit plus cette danse figée. Vous vous souvenez de la scène de Dernier Tango à Paris, Charline ? Le beurre ! Oui, mais non ! La margarine ! Non, la piste de danse où Marlon Brando montre ses fesses devant tous les gens qui dansent le tango un peu comme des momies. C'est une métaphore de la société qui est figée, puis lui devient fou et puis il montre son cul. Minino, il fait un petit peu ça, mais avec beaucoup de bonheur et beaucoup de tact. Après avoir traîné ses tambours aux quatre coins de la planète, ce natif de Cordoba, au nord de l'Argentine, en fait, ça fait 25 ans qu'il est exilé à Paris. Et il farcit ses chansons de ses nombreuses vies, de toutes les épices qu'il a ramenées de ses voyages, avec Richard Bonnat, Didi Bridgewater, Jacky Terrasson, Michel Portal, Toumani Diabaté ou Moussangara ou Mercedes Sosa. Il a joué avec tout le monde. Pas Florent Pagny. Non. c'est un dynamiteur qui prend des genres qui sont déjà des fusions et qui en fait encore autre chose. Vamos, c'est le titre de son dernier album où il s'est entouré des meilleures épées du jazz. Manu Koja, au feeling aussi gros que le son de sa guitare, au phrasé aux courbures byzantines, mais qui touche en plein cœur, Charline. Malcolm Braff, Ours, Brasilo, Afro, Suisse, génie de l'instant présent au clavier. Baptiste Trottignon, pianiste français adoubé par Herbie Hancock. Jérôme Regard dans la contrebasse assure les fondamentales les plus funky du monde. Puisque la folie de la musique de Mini Nogaraï répond à la déraison du monde, alors vamos! Que saben los pitucos, lamidos y chuchetas. Que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que arrogancia, que clase pa' bailar. Así se baila el tango, mientras dibujo el ocho, por estas filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango. Un tango de My Flower. Sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el talle que se va a quebrar. El aliento, cerrando los ojos, porque desde esta noche Malena no cantó. Ben, je voulais dire que là, c'était un solo formidable entre Malcolm et entre Malcolm Braff et Manu Koja. C'est ça, c'est le disque de Mini Nogaraï. Il faut le voir, c'est super spectaculaire. Il va jouer bientôt. Allez sur le site internet. J'ai tout oublié, comme d'habitude. Je suis une vraie buse, mais on mettra les références sur le site de l'émission. Voilà, exactement. Il a un autre groupe aussi qui s'appelle Los Frappadingos, où ils sont 10 percussionnistes. Les Frappadingos. Los Frappadingos. Ça veut dire les intellectuels de gauche en argent. Merci, André Manoukian. Donc, Mini Nogaraï, que vous nous recommandez chaleureusement, qui bandonnéonne un petit peu. Oh, c'est joli, Charles. Moi aussi, je bandonnéonne quand nous je vous entends. Nous sommes toujours en compagnie de Didier Danin. De mémoire collective, il en est aussi question, comme le titre de Mini Nogaraï avec vous, c'est L'école des colonies, un très bel ouvrage aux éditions Houbeck, avec beaucoup, beaucoup d'illustrations du temps béni des colonies, comme disait l'autre, comme disait Sardou, n'est-ce pas ? Guillaume Meurice, vous êtes là ? Oui, il y a un enchaînement. Michel Sardou, Guillaume Meurice. Ouais. Il y a une association d'idées. Tout à fait. Que je ne sais pas pourquoi, je pense à vous là-dessus. En même temps qu'Eva Adams aussi. Effectivement. Ne remuez pas le Vous êtes donc en direct de Nantes. Oui, je suis en direct de Nantes, Charline, le fief de Jean-Marc Ayrault. Voilà, certainement l'homme qui porte le plus mal son nom de toute la France. Remarquez, ça pourrait être pire, hein. Il aurait pu s'appeler Jean-Marc Charisme ou Jean-Marc Socialiste. En tout cas, Jean-Marc, il a un combat, celui de voir naître à Nantes un nouvel aéroport sur le fameux site de Notre-Dame-des-Landes, un projet qui réunit beaucoup d'opposants. Et le problème de cette lutte, c'est qu'on en parle dans les médias uniquement quand il y a des violences, des heures, bref, du spectacle. Hein, sinon, c'est vrai qu'on a tendance à s'en foutre complètement. Parce que sinon, il faut faire un vrai travail de journaliste, vous voyez, hein, se salir les godasses dans la boue, risquer de se fâcher avec l'annonceur Vinci qui doit construire le projet, pour au final raconter une bataille juridique. C'est très ennuyeux. Pour vous donner une idée de l'ennui, on est à peu près à 12 sur l'échelle de Jean-Marc Ayrault, vous voyez. Hein, y a rien au-dessus, hein, part peut-être quand Juliette Arnault raconte ses histoires de shopping, mais voilà, de shopping, ne réponds pas, Juliette, ne réponds pas. Alors, pour remuer tout ça, je suis allé sur le site ce matin à la rencontre de ces fameux zadistes. Le premier, qu'est-ce qu'il a fait de sa journée ? Je suis allé ramasser des champignons, sortir des détritus de la forêt. Ouais, mais nous, les médias, on aime bien quand ça frite un peu, quand il y a des trucs à raconter, des bagarres avec les policiers. Il y a ça de prévu ou pas ? Mais parfois, en fait, eux, ils ont souvent envie de ça, et nous, pas trop. Mais quand ils viennent, du coup, on est obligé de jouer avec eux. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire, par exemple, décapiter un CRS ? Non, pas du tout, c'est pas le projet. Mais si, mais c'est ça qu'il faut. Nous, les médias, on aime bien ça. Ouais, nous, on n'aime pas ça. Et nous, on n'aime pas forcément les médias qui aiment ce genre de choses. Ah non, non, non, non, non, là, je suis désolé. Le rêve de chaque individu, c'est de passer sur BFM TV, merde. Se faire engueuler par Jean-Jacques Bourdin, c'est le top. Quand il vous regarde dans les yeux et qu'il dit « Répondez ! Répondez !» On croira à un interrogatoire de flic. Ça, c'est du spectacle. Bon, j'ai continué avec ce même zadiste, ma séance de média training. Par exemple, vous avez vu ce qui s'est passé avec le DRH d'Air France ? Ouais. Ah, ça c'est bien ça. Est-ce que vous avez prévu de foutre à poil un mec de Vinci ? Je sais pas si ça aiderait, mais... Bon, ou alors on peut parler des femmes aussi. Les femmes, c'est l'inverse, elles se foutent à poil. Ouais. Est-ce que vous avez prévu de vous foutre à poil ? Moi, personnellement, non. Bon, là, je suis désolé, ça va pas le faire. Il va falloir montrer un bout de téton. Ou je sais pas, moi, demander à une star de se rallier à la cause. On parle de zone humide à Notre-Dame-des-Landes. Il y a sûrement un lien à trouver avec Nabila, par exemple. Je sais pas. Je cherche. Écoutez, je réfléchis à voix haute. J'essaye d'aider. Tiens, j'ai essayé d'aider un enseignant à la retraite, Monsieur Menet. Il a une très belle maison en plein milieu de la zone et il refuse de se faire exproprier malgré les offres de Vinci. Il a même eu des CRS devant sa porte. Pendant combien de temps ? 6 ou 7 mois, un truc comme ça. Hein. Vous les avez provoqués un peu ou pas ? Provoqués, c'est beaucoup dire. Un peu alors ? Un peu, oui, parce qu'une fois, par exemple, j'avais emmené ma petite fille au cheval, je revenais à 8h le matin, là. Et je voulais rentrer chez moi, elle ne voulait pas me laisser rentrer, par exemple. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh ben, je suis rentré quand même. Ouais, il n'a pas insisté. Vous lui avez mis une gifle au passage ou pas ? Non, absolument pas. Non. C'est ça qu'il faut faire ? Ah oui, mais... Je suis poli, moi, je suis correct. Oh là là, le mec est poli et correct. Mais pour les médias, il faut pas être poli et correct, bordel de merde de cul de chiotte. Je vous rappelle qu'on vit dans un monde où Yann Moix est devenu un référent culturel. Où Nadine Morano est l'horizon indépassable du débat politique. Faut que ça cogne, quoi. Bon, heureusement, j'ai rencontré un vrai de vrai, un agriculteur qui a fait de la garde à vue. Il s'appelle Sylvain Fresneau. Alors Sylvain, qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai reculé devant les forces de l'ordre, tout en maîtrisant ma vitesse et mon tracteur. Je savais bien où j'allais. J'arrivais à 3 cm d'un garde mobile. Vous lui avez roulé dessus ou pas ? Ah ben, pas du tout, je n'y ai pas touché. Je maîtrisais bien mon arme, parce que maintenant, bon, je l'appelle l'arme. Mais non, mais ça ne va pas, il fallait lui rouler dessus. Ah non, je ne voulais pas. Ce n'était pas le but du jeu. Ce n'était pas ça. Je voulais faire une limite entre les forces de l'ordre qui avançaient tout le temps et les manifestants. Ah mais du coup, c'est moins intéressant pour nous. Bah peut-être. Bah oui, mais y a pas de peut-être qui tienne, c'est sûr Sylvain. Bon, j'ai essayé au moins de lui faire proférer des insultes contre les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il lui dirait s'il l'avait en face, ce flic ? Alors moi, je lui conseille d'aller élever des moutons dans le Larzac ou des chèvres dans le Lot, ça peut se faire aussi. Il serait beaucoup plus tranquille que dans le métier qu'il fait actuellement. Hein. Voilà, là, non, on n'y arrivera pas. Même Michel Drucker, il est plus méchant. Même Alex Vizorek, il est plus violent que ça. Bon, dernier espoir. Julien Durand, c'est le porte-parole de la CIPA, l'association qui fédère tous les opposants au projet. Il organise évidemment régulièrement des réunions et il m'a confié que... Disons qu'on fait tellement peur à nos adversaires qu'à chaque réunion publique que nous organisons, nous avons les renseignements généraux qui viennent assister à nos débats. Ah, ça c'est bien. Vous les pondez à la fin ou pas ? Merci pas. Et d'abord, s'inscrit dans une stratégie de non-violence. Oh là là, stratégie de non-violence, de mieux en mieux. Bon, remarque, quand on les voit prôner cette philosophie face à la violence à laquelle ils doivent faire face, des maisons détruites au tractopelle, des menaces physiques, des pressions psychologiques, on se dit que c'est peut-être bien eux, les vrais héros. Merci Guillaume Meurice, en direct de Nantes donc. Didier Danec, cette nouvelle forme qu'a pris le combat en écoutant le reportage de Guillaume Meurice. Moi je trouve ça assez sympathique que des gens défendent les zones humides contre des armées de Boeing et d'Airbus comme ça. Puis ça rappelle les combats des années 70, les moutons du Larzac contre l'armée française. C'est le nouveau Larzac. Il y avait les chars, il y avait tout ça et il y avait des moutons qui étaient là et c'est les moutons qui ont gagné. Quoi. Ouais. Avec les antimilies du Larzac. Ouais. Donc il y a un fil entre tous ces combats qui sont sympathiques. À certains moments, on a l'impression que le chef de la rébellion là-bas, c'est Doc Gynéco. Didier Deninx, avec vous, on va aborder le deuxième sujet de cette émission, en compagnie aussi d'André Manoukian, Juliette Arnault et bien sûr Alex Vizorek. Bien sûr. Sujet... bien sûr, je suis là. je les réveille. Non, mais j'étais en train de dire, ces pauvres Nantais n'auront pas Ryanair et ne pourront pas aller à Ibiza en vacances. Mais oui, mais il y a déjà un aéroport. Oui, mais non. Voilà, votre voix pensée là-dessus. Allez, deuxième sujet, la France compte 2,5 millions d'étudiants, mais pour les accueillir, eh bien, il manque 3 universités, à peu près, c'est l'équivalent. Les amphis sont bondés, il y a à peu près 65 000 étudiants qui suivent les cours assis par terre. Qui c'est qui a mis ça ? Eh oui, depuis le matin, on prépare ça, je voulais vous dire. Et voilà. Avec la collaboration, la préparation de Nathalie Romero, Claire-Sophie Quellet et l'aide de Mathilde Verfaillie. Voilà, je dénonce. Vichy. Dès qu'il y a un son pourri, je dénonce. Voilà. Donc c'est un problème qui touche toutes les villes. Alors attention, les étudiants vont manifester vendredi. Problème qui touche toutes les villes, la surpopulation en université. Il y a Paris, la banlieue, les régions aussi. Alors vous, Didier Deninx, vous avez quitté l'école à 16 ans pour aller travailler. C'est l'école qui m'a quitté. Oui, c'est ça. Donc vous devez trouver ça dingue ou vous dire aussi, bon, finalement, il y a un magnifique mouvement qui est qu'il y a énormément de candidats pour étudier. Non, moi je trouve ça bien qu'il y ait eu tout un tas de couches qui n'avaient pas accès à l'université et qui sont maintenant présentes là. J'ai vraiment l'impression, moi, que l'éducation, c'est la manière dont on sortira ce pays du marasme, l'éducation des jeunes et puis la formation pour les gens qui travaillent et qui sont au chômage. Là, j'ai entendu, moi, sur cette question-là, un président de fac qui avait des problèmes parce qu'il avait trop d'étudiants. Il disait, mais c'est tout à fait passager, c'est comme ça au mois d'octobre et début novembre. Puis après, il y en a qui se découragent et ça redevient normal. Et donc, si les amphis sont bondés, c'est normal qu'ils se découragent. Non, mais on entend des discours comme ça, d'espèces de sélection naturelle où les plus résistants. J'ai vu des vidéos sur Internet où il y a des étudiants qui, à 7 heures du matin, font la queue pour des cours qui vont commencer à 8h30 et qui rentrent en courant. Comme les sans-papiers à la préfecture. Et qui courent à toute vitesse dans les couloirs pour être les premiers dans l'amphi. Donc on est dans une situation comme ça qui est vraiment serrée et c'est pas les meilleures conditions pour arriver à ce que ça aille mieux dans ce pays. Quoi. Ouais, effectivement. Alors je vous renvoie éventuellement à un article du Parisien Aujourd'hui en France qui vous explique aussi que c'est souvent les mêmes filières qui sont débordées, hein, droit, médecine ou psycho. Et pas, les lettres. Comme c'est bizarre. C'était pas renseigné. Et qu'il y a peut-être un travail sur l'orientation à faire aussi. Tiens, les lettres. Il y a des questions avec notre invité, Juliette Arnault. Je peux me permettre de vous interrompre, Juliette Arnault, parce que j'ai eu un tweet de Pénélope Bagieu qui me dit que hier, c'était la meilleure chronique sur California Dreaming. Transmettez ma brouette de merci à Juliette Arnault. Et donc, Didier Deninx, j'espère que ça vous plaît, parce que hier, elle a été bien. Donc, la pression est forte. Mais sur elle, surtout. Ah, j'ai très très chaud sous mes bras. Alors, je... calmez-vous. Alors, l'ouvrage, l'école des colonies, l'auteur Didier Deninx, le poids, 1139 grammes. Oui, ben là c'est lourd. Et puisqu'on est dans les chiffres, allons-y franchement. On a tous en tête l'immensité des territoires occupés par l'Empire romain. Hein, l'Empire romain, donc au meilleur de sa forme, à peu près 50 après Jésus-Christ. Figurez-vous que ça faisait 4 200 000 km². Bon, plus costaud que ça, à qui on pense en termes d'envahisseurs ? Alexandre le Grand. Vous savez, Alexandre le Grand, Bucéphale, tout ça. 330 avant Jésus-Christ, 3,8 millions de kilomètres carrés. Oh là là, il fait moins que Jules César. Et alors, ce qui est moins précis, bizarrement, dans nos tronches, c'est l'Empire colonial français, dans un passé nettement plus proche. France, 1945, bim, pratiquement 11 millions de kilomètres carrés. Eh ouais, quand on parle pognon, il avait raison, Audiard, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Parce que oui, oui, quand même, la colonisation, c'est avant tout une question de profit. Maintenant que je vous ai rafraîchi les idées, le livre de Monsieur Daninx. Alors, l'école des colonies, c'est à la fois une fiction, le journal de bord d'un jeune instituteur, Roger Arvanel, muté en Kabylie en 45, et un document tout ce qu'il y a de plus réel pour tous ceux qui ne croient qu'aux histoires basées sur des faits réels, Jean-Marc Morandini, une multitude de documents d'époque qui illustrent toute cette entreprise qui était la colonisation. Et alors là, ça devient assez flippant parce que les dessins, les gravures, les cartes sont souvent très jolies, colorées, chatoyantes, naïves, tout en contenant une idéologie nettement moins jolie, colorée, chatoyante et totalement dépourvue de naïveté. Celui qui l'est naïf, c'est le jeune instit de la République, celui qui vient d'arriver en Kabylie, Roger Arvanel. Alors il est enthousiaste, il est volontaire, il est décidé à bien faire son travail d'éducation, sauf que voilà, il doit commencer ses cours, par exemple, par « Mes enfants, aimez la France, votre nouvelle patrie ». Et ensuite, comme il va vite le comprendre, il s'agit somme toute, je cite, « de concéder aux indigènes quelques notions de langage, d'écriture, de calcul, afin qu'ils puissent comprendre les ordres du blanc ». Voilà. Ainsi, lorsque ce jeune instit essaye d'organiser des matchs de foot pour galvaniser les mômes, qui, plus que les vieux exercices, vous savez, athlétiques qu'on fait dans la cour de récré, il s'entend dire par l'administrateur communal « Notre mission morale nous fait obligation de privilégier la santé et la vigueur des corps et non la formation d'une élite qui finit par ne plus penser qu'à brandir une coupe et gagner des championnats. Fournissez-nous de bons soldats, monsieur Arvanel. Quant aux héros, la métropole y pourvoira. » Ça calme. C'est clair. L'école des colonies, c'est l'histoire de la naissance d'une conscience, d'un sentiment de révolte, d'une volonté de résistance. Ce jeune instit se dit qu'il n'a pas fait l'école normale pour apprendre ça aux gamins. En plus de son journal de bord, il y a un échange de lettres donc avec ses condisciples et amis de l'école normale qui sont mutés ailleurs qu'en Algérie. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, et alors là, c'est le même désenchantement qui est encore peut-être à mon sens encore plus triste, à un moment, un des élèves fait remarquer à son institutrice que sur le monument qui domine Nouméa, seuls étaient portés les noms des soldats d'origine européenne. Persuadé qu'il se trompait, je lui ai rétorqué que la France honorait pareillement tous ses enfants. Je suis montée au monument le lendemain pour constater avec effarement qu'il avait raison et que les Kanaks morts pour la France étaient résumés à un chiffre. Charmant. Voilà, je pense que c'est un livre qui est absolument parfait pour la Noël. Je m'explique. C'est un très beau livre d'images, par ailleurs, et c'est l'occasion d'expliquer aux petits et aux grands, et à Nadine Morano, que voilà ce qui est arrivé dans le passé et qui explique deux, trois bricoles du présent, et qu'on fait le vœu pour la nouvelle année de passer à autre chose. Vous allez me dire, c'est sans doute plié pour Madame Morano. Mais les enfants, eux, ceux qui auront la parole demain, il faut s'y mettre instamment. Parce qu'à force d'entendre que des âneries, y compris sur le service public, ils pourraient finir par croire que c'est vrai. Hein, comme cette petite blague qui sévissait à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Il y avait des enfants noirs et blancs qui se battaient dans un bus pour savoir qui serait devant. Alors le chauffeur de taxi, il en a plein sa tête, il arrête le bus, il se tourne vers les gamins et il leur dit « Bon, maintenant ça suffit, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que des bleus. » Et là, il entend une toute petite voix derrière qui fait « Ouais d'accord, mais les bleus clairs devant. » Voilà. Juliette Arnaud et la chronique sur l'ouvrage de notre invité, donc « L'école des colonies » aux éditions Houbeck. Un très joli ouvrage qu'on vous recommande, chaleureusement. C'est de toute beauté. Et donc pour la Noël. Oui, c'est assez surprenant. Oui. Vous serez gentil demain de tweeter vos remerciements à Juliette Arnaud. Vous m'avez lu une phrase tout à l'heure qui était absolument incroyable. Oui, dans un manuel scolaire de 1926, il y avait ça. Le nègre est à peu près un homme comme les autres, mais il faudra de longues années d'efforts pour qu'il arrive à valoir ces peuples blancs qui se sont emparés de sa patrie. 1926. On dirait du Henri Guénaud. Oui. C'était l'intervention de Guillaume Meurice en direct de Nantes. Nous sommes en duplex. Allez, on va aborder avec vous le troisième sujet. Loin de tout ça, les écrivains anglo-saxons ont tous un agent, mais pas les Français qui sont seulement 2% à engager cet intermédiaire qui envoie les manuscrits aux éditeurs ou négocie les contrats ou joue les nounous. Entre les coups de fil et les lettres, nous en sommes déjà à 8 libraires, et je dis bien 8 libraires qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ton livre. C'est Bacri, oui. T'es mignonne, Edith. Pourquoi je suis mignonne? Ça veut dire quoi, ça? Non, mais tu me dis, ils ont beaucoup, beaucoup aimé, et pour les deux précédentes, tu m'avais dit la même chose, donc c'est gentil. Non, désolée, c'est beaucoup mieux que les précédents, ils sont plus nombreux, ils sont plus enthousiastes. Puis, enfin, je les ai au téléphone, j'entends bien ce qu'on me dit. Non, crois-moi, Pierre, crois-moi. Je sens quelque chose. C'est la sauce tomate. À l'extrait de Comme une image d'Agnès Jaoui. C'est un article dans Télérama qui sort cette semaine. La foire littéraire de Francfort s'ouvre aujourd'hui avec les agents littéraires en vedette. Une pratique donc très marginale en France, mais très courante aux États-Unis. Alors en France, il y a quelques auteurs qui y ont recours quand même. Il y a un certain François Samuelson qui est en photo dans Télérama. Il est un bon agent parce qu'on le connaît bien. qui s'occupe de Welbeck, Vargas ou Despentes. Je croyais que c'était lui l'auteur. Oui, voilà. Autant pour moi. Donc, c'est pour ça que j'avais pas compris la vanne. Mais oui, non, c'est vrai. donc les grands écrivains, non. Enfin, les grands écrivains, les grands vendeurs. Les on grands va dire ça vendeurs, ouais, voilà. Parce qu'il y a un lien commercial dans cette chaîne du livre. Didier Denax, on vous sent à milieu de tout ça. Est-ce que vous avez un agent littéraire? Est-ce que... Non. Déjà, le terme agent, ça me met un petit peu à distance. Et puis moi, j'ai toujours privilégié les rapports d'amitié. C'est-à-dire que, comment, avec Lionel Houellebecq, il y a un rapport de confiance, d'amitié. Avec les éditions Verdier, qui est une toute petite maison d'édition, mais qui est vraiment très importante pour les auteurs qu'elle a réussi à découvrir comme ça. Par exemple, même avec les éditions Verdier, je signe pas de contrat, j'écris le livre, je leur donne. Et puis, je signe le contrat six mois après. Les choses se font de cette manière. Et ça existe encore des endroits où maison d'édition, le terme maison est aussi important que le terme édition. Et donc, la maison de la radio, pareil. À certains moments, on va dans une maison, on rencontre d'autres auteurs, Pierre Michon, Riboulet, et ainsi de suite. Et il y a un côté familial et ensuite, un lien humain. Et il n'y a jamais eu de lézard sur le fait qu'après, mes droits d'auteur me permettent de vivre et qui sont payés. Mais il y a cette relation véritablement d'amitié, de connivence. Mais ça existe et je ne suis pas le seul auteur à fonctionner de cette manière. Et puis, il y a d'un seul coup l'argent qui est rentré en masse dans l'édition après l'histoire de Jean-Marie Messier. Et qui fait que les agents sont arrivés après la déroute de l'édition traditionnelle française. Et ça crée un nouveau métier, donc l'agent littéraire en France. Didier Deninx, une proposition malhonnête de la part de Vizorek. C'est l'heure du sketch et je vous donne un rôle, comme je donne un rôle à tous les invités, tous les jours. Et je crois que ça va vous faire plaisir. Vous êtes Martin Scorsese, Didier Deninx. Et Martin Scorsese décide, enfin peut-être on l'a obligé, à faire un film avec des policiers français. Alors on voit ce que ça donne. André et moi-même, nous sommes deux acteurs que vous dirigez sur le premier jour de tournage. Bonjour Monsieur Scorsese, je suis ravi de travailler avec vous, j'ai vu tous vos films. C'est gentil, et vous êtes Gérard Jugnot. Enchanté, et lui c'est qui? Moi c'est Michel Blanc. Blanc, j'ai jamais entendu parler. C'est un peu le Robert De Niro hexagonal si vous voulez. Ah super, on va commencer par la scène de poursuite. Musique. Attendez là, on va pas courir là-dessus là. Coupé. Bah si, c'est ça l'idée. Ah non, mais là c'est beaucoup trop intense. Ah, plus moi je fais de l'asthme, ça va pas. Non, on n'a pas le choix, c'est une poursuite à pied. Ok. On peut pas la faire en voiture plutôt? Mais t'es malade, t'as vu l'heure, on va choper les bouchons là. Je ne veux pas de poursuite en voiture dans ce film de toute façon. Pourquoi? Bah, si un jour je filme une poursuite en kangou, j'arrête le cinéma. Non, mais on a des méganes ici. Proposez-moi une musique pour la poursuite en mégane. Mais j'ai une bonne musique ça. Vous voyez, ça vous plaît? On court beaucoup plus facilement en tout cas. Mais coupé, c'est quoi? Bah, c'est Julie Lescaut. Mais c'est très vieux ça. Ah non, non, vous confondez avec les grottes de Lascaux. Bon, Martin, vous voulez pas qu'on commence par une scène plus facile? Pas une scène de poursuite quoi, je veux dire. Mais quoi par exemple? Bah, une scène de contravention voilà, par exemple. Voilà. Oui, mais là on va pas faire une scène de contravention. Ah bah, excusez-nous, on croyait que vous vouliez un film avec des policiers français. Bon, on va plutôt faire une scène de dialogue intense. Tenez, prenez une cigarette. Oula. Ah, moi je fume pas. Faudrait savoir, on fait un film français ou pas? Oui, ouais. Mais moi je fais de l'asthme. Bon les gars, va vraiment falloir être plus bad boys. Bah, dans quel genre? Al Pacino, Joe Pesci, Ray Liotta, vous n'avez jamais vu de film policier? Vous rigolez, j'ai vu tous les gendarmes. Vous me fatiguez. Je crois que j'aurais mieux fait de mettre un képi à Leonardo DiCaprio. Bon Scorsese. Didier Deninx, est-ce que vous imaginiez un jour jouer Martin Scorsese? Non. Puis j'ai vu ses premiers films, j'ai encore le David Carradine cloué comme un Christ sur une porte de wagon, c'est une des scènes les plus fortes que j'ai vues au cinéma. C'était dans quoi ça? C'était dans quoi déjà? Ah, j'ai plus le titre du film. Donc on y a pensé pour l'auteur aussi de Polar. Ouais. Vous êtes Didier Deninx. Et là, c'est différent ce que vous avez fait. C'est L'école des colonies, édition Houellebecq. Donc un texte Et puis, enfin, des correspondances, un texte. Et puis, un texte de fiction qui accompagne la réalité des manuels scolaires. Des manuels scolaires, des cartes, des gravures, avec un gros travail d'archives qui est vraiment très, très joli. Merci à toute l'équipe. Et merci. Merci à vous. Et on salue Guillaume Meurice en direct de la salle Kev Adams. Merci. Et merci aux moyens techniques de France Bleu. Oui, merci à Olivier Ferrou, qui est mon technicien préféré de France Bleu Loire-Océan. Allez, merci à tous, on va se retrouver demain avec Jean-Luc Lemoine. Le mot de la fin, aux patrons qui cherchent leur candidat à droite pour 2017 et se détournent de Nicolas Sarkozy. Vous n'avez pas confiance en moi ? Non, parce que vous êtes fou. Ah non, Astrid. Si.